Everybody for Bamenda, for Muyuka, Mema Mutenga and tout le monde. Prise le mannequin, mon frère. Capoël, mon parrain, depuis Paris. Mahali et Nyango, ma boli nomba, et tout ma ponda ne singi mo, jumbo ne poyemba wenge. Mahali et Nyango, ma boli nomba, et tout ma ponda ne singi mo, jumbo ne poyemba wenge. International prayer music depuis les États-Unis d'Amérique. C'est nana wawe no wa de la bongo mon bébé ma kabe pondé mama oh oh oh. C'est nana wa motem no wa we pondé mbambaka diouze le diouze te na mene no wu samba nune wu jombwe en na wo eh en na wo yandu mami oh aye yandu mami oh langwe yamba en na wo and now we ando mami, aye ando mami, oh langwe yamba, eh, oh, when no no no. Touche-moi.